Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, on va dire un peu horrible. Elle s'appelle « Quand papa s'est mis à crever ». Elle est écrite donc par Valerio Romao, qui est un auteur donc portugais, mais qui est né en France en 1974. Il retourne au Portugal à l'âge de 10 ans. Il est diplômé de philosophie. Il a écrit un roman nommé « Autisme ». Et cette nouvelle est parue aux éditions Chandaigne. Voilà, voilà. Je vais donc commencer. Papa buvait beaucoup. Tout le monde le savait. Et quand il s'est décidé à aller chez le médecin faire des analyses, « C'est la routine, chérie. C'est juste pour voir si tu dois mettre moins de sel. » Parce qu'il se sentait drôlement ballonné, comme si, selon ses mots, il respirait vers l'estomac. Ma mère et ma tante, en régimentée autour d'une assiette de biscuits mous, d'un fond de porto aigre et des secrets que chacune rapportait à table comme des fruits dans leur corbeille, se sont aussitôt mises à soupçonner le pire. D'ailleurs, parce que les cas de cirrhose dans la famille étaient aussi nombreux que les cas d'hommes dans la famille. Et si les uns étaient déjà partis et les autres sur le départ, mon père, à seulement 52 ans, était déjà sous les regards cliniques de ma mère et de ma tante, une tête de mort, fragile et brillante, surmontant une douzaine d'organes usés au point qu'on ne puisse ni les réparer ni les remplacer. Et elle, au courant de la visite de papa chez le médecin et du secret qui l'entourait, mon père était comme l'éléphant dans les histoires sur l'Afrique, marchant tout seul jusqu'à l'endroit secret où la terre irait recevoir ses eaux et conserver vierge l'ivoire. Lui ont tracé à table son destin probable et les dimensions de son cercueil. Le médecin, quand il a appelé mon père pour lui tirer les tarots de sa prise de sang, on aurait dit qu'il lui avait communiqué qu'une corde tendue attendait de lui étreindre le cou. Et voilà mon père parti, triste comme de la brume, sur le mode vide du condamné, son large dos voûté, plombé par ce poids inattendu, impréparé, malgré le pas chancelant de celui qui s'était déjà envoyé quelques gnôles, pour la route ou pour une conversation, même pour celle où l'on exigeait simplement de lui un silence attentif. À la maison, ma mère cuisinait du riz au canard, découvert au cours d'une fouille dans le congélateur. Une chose extirpée de l'air domestique glaciaire au moyen d'un tournevis, grâce auquel elle piquait et extrayait de gros blocs de glace, opération de laquelle apparaissait parfois, floue comme un fantôme, une sardine jurassique dont on ne savait plus l'origine chronologique. Sur la table, décorée de la plus belle nappe que nous utilisions seulement à Noël, Pâques et lors des fêtes d'anniversaire ponctuelles, où l'âge de l'un de nous épousait son jour d'anniversaire, où dessinait un joli domino, reposait ouverte une bouteille de vin, certainement plus chère que d'ordinaire. D'ailleurs, parce que l'ordinaire était une simple brique en carton, de celles qui se prennent par deux pour une pièce d'un euro et qui saignent par ce bec d'oiseau au coin du carton qu'on arrache à coups de dents. Quand les mains ne parviennent plus à exécuter la tâche avec fermeté, jusqu'à se terminer par un glou-glou maladroit qui finit par abreuver ou aggraver la tache rouge qui s'étend à l'endroit où mon père s'assoit toujours et que ma mère, depuis très longtemps déjà, n'essaie plus de laver ou d'arranger au grand dam de sa névrose domestique. Et des toasts que mon frère a disposés, toute la matinée sur des assiettes en pyrex orange sous forme de petites pyramides entourées de bouts informes de pâté de sardines et de serviettes en papier rouge, parachevant ainsi le contexte festif dont on ne devinait ni la cause ni la raison. Quand papa est arrivé, nous étions déjà tous autour de la table, à moitié pomponnés avec des vêtements peu portés que ma mère avait étendus sur nos lits. Au petit matin, et mon frère et moi avons été prévenus que nous devions l'accueillir et le traiter avec le contentement et la cordialité qu'il offrait habituellement à chacun de nous. En proportion inverse, surtout lorsque les niveaux d'alcool dans son corps n'atteignaient pas le muscle du sourire. Ma mère l'a accueilli d'un baiser inattendu sur la joue et des yeux. Elle nous a envoyés dans ses jambes où il nous a reçus avec une étreinte aussi vive qu'imprévue. Et nous sommes restés là pendant de longues secondes, désassortis, à faire comme si cela, la tendresse, le magnétisme unipolaire par lequel s'unissent des créatures qui partagent gènes et affects dans la même proportion, était normal. La monnaie commune par laquelle le sens d'un bonjour ou d'un à plus tard se laissait emmitoufler dans la cape imprévisible de l'amour. Nous avons mangé en silence, et mon frère et moi, très souriants à l'apparition inattendue de tous ces plats, avalés à des doses fort peu homéopathiques, tant que ma mère, observant fixement le riz sur lequel elle dessinait un rudimentaire jardin japonais avec les dents de la fourchette, ne nous voyait pas, réprouvant ce comportement de naufragé d'un œil de travers et d'un haussement d'épaule qui coupait magiquement court à notre appétit. Mon père, dont ma mère attendait l'annonce d'une apocalypse personnelle, se servait, se resservait, surtout du vin, qui différait divinement de celui auquel il était habitué, et avec sa fourchette, faisant des mouvements de grue incessant entre l'assiette et la bouche, les choses disparaissaient de table et les derniers sourires protocolaires étaient progressivement remplacés par leur équivalent sincère et pas même ma mère qui continuait de picorer pudiquement les restes de son château de riz ne pouvait s'empêcher d'éprouver un certain orgueil d'avoir réuni, dans la limite de ses forces et de ses compétences, un mets capable d'apporter une joie inhabituelle à cette maison, dans laquelle, normalement, ne se conjuguait et qu'au présent, le verbe « survivre ». Alors, et ces analyses lançait ma mère depuis la cuisine, tandis qu'elle s'apprêtait à nous rapporter sa version du flan aux œufs sans œufs, et mon père, concentré à faire tourner ses doigts sur le dernier verre de la dernière bouteille de vin, lui répondait juste laconiquement que tout allait bien. Le médecin lui avait même dit de ne pas s'inquiéter, parce que ses taux, selon les mots du docteur, ne ressemblaient pas à ceux d'un Portugais, vu la qualité de lecture de ses triglycérides et autres trucs du genre, qui moins ils sont nombreux, mieux c'est. Et le sujet était clos, conclua-t-il, parce qu'une consultation tous les 20 ans est suffisante et idéale. Et je ne veux pas, disait-il, la prolonger à table, par-dessus le marché, après un repas aussi copieux et aussi bon. Ma mère ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'attrister. Elle n'était pas préparée. Elle ne l'a jamais été pour les bonnes nouvelles. Et quand elle est revenue de la cuisine, le plateau avec les flans tremblait dans ses mains et ce n'est qu'après l'avoir posé correctement sur la table, à l'abri d'une chute prévisible, que nous avons cru que nous allions vraiment manger un dessert ce jour-là. Ma mère, soudain étrangère au bonheur gastronomique dont elle était la contributrice substantielle. Mais ça veut dire quoi, Henrik, puisque tu te plains tous les jours que tu as mal à l'estomac et que tu dis que tu te sens plein comme un ballon, Peut-être devrais-tu aller chez un autre médecin, quelqu'un qui saurait interpréter les analyses comme il faut. Parce que tu es malade, insistait-elle, ça se voit de loin, tes chevilles et tes jambes sont enflées. Sans parler du ventre, on dirait le bide d'un de ces petits Africains qui crèvent de faim. Et mon père, c'est la bière Martha, c'est la bière, comme tu sais. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, ni pour la maladie, ni pour l'esthétique. Parce qu'à mon âge, et bouchez-vous les oreilles, les enfants, en nous pointant le manche du couteau, parce qu'à mon âge, les hommes où ils sont gros du bide, où ce sont des tapettes, Martha, et tu dois savoir ce que tu préfères avoir à la maison, si tu me suis bien. Et je crois que tu me suis, Martha. Et la conversation s'arrêtait là. Du moins, en apparence. Avec mon frère et moi, en train de nous disputer le flanc qui gisait perdu devant ma mère, boudant comme une adolescente. Les jours suivants. Mon père, malgré l'absence de diagnostic et la qualité sidérale de ses analyses, s'est mis à grossir sans que rien dans le menu familial ou dans le complément alcoolique avec lequel il s'automédicamentait, à cause de cette sensation qui résulte de la disparité abyssale entre la vie comme elle est et comme elle devrait être, n'ait changé outre mesure. Si bien que même lui, habituellement à l'aise dans les dysmorphies de son corps dues à la délicatesse de l'âge, qui lui écrabouillait les formes originales comme les enfants défont avec une furie d'anarchiste les bonhommes en pâte à modeler dans lequel ils trouvent des références marquées à la réalité, commençait à s'inquiéter parce que ses vêtements, soudain, ne lui allaient plus. Et qu'il lui était de plus en plus difficile de se lever du canapé ou des chaises où il s'enfonçait avec l'abandon d'une ancre. Mon frère et moi l'entourions, et lui, appuyé sur nos épaules, rassemblait toutes ses forces et essayait de se relever, haletant comme s'il soulevait un coffre, et ma mère, venant de la cuisine avec le verre de vin réclamé, restait là à regarder quelques instants. Puis elle revenait sur ses pas, et passait un certain temps, une fois que mon père, enfin de retour à la verticalité, avait titubé jusqu'à la chambre, elle appelait sa sœur de la cuisine, et les deux passaient une bonne heure et demie sur le portable. Ma mère rabâchait à ma tante que mon père enflait, enflait, le foie avait lâché, instituait-elle, et le vin, au lieu de recevoir la touche miraculeuse d'une déclinaison en urine, trouvait le moyen de se loger dans le ventre et les jambes, surtout transformant en ric, assurait ma mère à ma tante, en un involontaire et inutilisable dépôt de boisson sans issue. « Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» pleurait-elle longuement. « S'il n'admet même pas qu'il est malade, s'il cache les analyses et assure que tout va bien, alors que le plus large de ses pantalons n'accueille plus ses jambes et que toutes les soirées tournent à l'exercice répétitif et vain de repriser ses vêtements, plus larges que le matin seulement. » Dis-moi si ce n'est pas une épreuve, ça. Ils ne lui vont plus. Et pour qu'il sorte de la maison, je dois élargir encore plus la ceinture de son pantalon et lui coudre des élastiques supplémentaires, invisibles uniquement à cause du gros par-dessus de la taille d'une tente dont il s'enveloppe de la tête aux pieds. Mais même ça, on ne peut pas prévoir que ça tiendra plus de 2 semaines, au rythme où ça va. Tu te rends compte, Frangine ? Tu te rends compte ? Et le temps passait, et mon père enflait au désespoir croissant de ma mère, qui avait déjà renoncé à lui raccommoder ses vêtements, et de mon père lui-même, incapable de se lever du matelas même avec notre aide réunie. Alité comme un morse malade, mon père qui réclamait toutes les 5 minutes un verre de vin où il pourrait cacher la honte et la douleur, et mon frère et moi, nous nous chargions de lui apporter afin qu'il le boive à l'aide d'un entonnoir, l'absorbant comme la terre en Afrique accueille les premières pluies. La nourriture, il ne voulait même pas en entendre parler, même lorsque ma mère, brusquement entré avec une soupe de pot-au-feu, lui flanquait une cuillère sous le nez et le menaçait de ne plus lui acheter à boire s'il se refusait à manger. Les médecins, que ma mère persuadait par charité de le voir, étaient unanimes pour dire qu'une fois les analyses vues et revues, rien de ce qui arrivait ne pouvait être imputé au foie, au rein, ou même aux putains de bactéries qui se réfugient parfois sous les nénuphars des globules blancs pour passer inaperçus et protéger. Ça, c'était autre chose, disait-il, d'un autre ordre physique. Et eux, habitués à faire avec des certitudes et le confort moral d'un diagnostic, et certainement empêchés de faire davantage d'efforts, vu les conditions dans lesquelles ma mère faisait appel à leur service, fermaient leur sacoche en cuir et à la sortie, une fois accomplis les poignées de main formelles qu'ils veillaient même à dispenser à mon frère et à moi, disaient à ma mère, les yeux posés par terre ou sur les taches d'humidité qui peuplaient le plafond en un schéma météorologique, « C'est comme ça la vie, on ne réussit pas toujours à tout expliquer. Et au fond, ça peut aussi être passager. » Parce qu'il n'a même pas pris de poids. Vous voyez, si ça se trouve, c'est seulement de l'air, un ballonnement étrange dont on ne devine pas la raison. Et demain même, une fois qu'il aura roté et pété, peut-être reviendra-t-il à la normale et qu'il apparaîtra dans la cuisine, affamé comme un lévrier, en réclamant une tartine et un godet. Ce ne serait pas inédit, assurait-il. Parce que la médecine est toujours en train d'évoluer, madame, grâce à l'apprentissage et à l'incorporation de nouveaux cas. Et il disait cela sur un ton liturgique, adouci dès que, la porte franchie, il descendait à la hâte les escaliers vers la rue. Un jour, nous nous sommes réveillés au cri de ma mère, suivi presque simultanément par ceux de mon père. Et nous nous sommes précipités, mon frère et moi, dans la chambre conjugale où nous avons trouvé maman, transie, qui montrait le plafond, ou papa, tel un ballon solitaire de fin de fête, s'ébrouait et s'agitait comme un mollusque hors de l'eau. Ses mains enflées et inutilisables, tentant en vain de faire du plafond un point d'appui sur lequel la gravité reprendrait son cours naturel. Et nous tous, sonnés par la surprise de le voir collé là, à l'endroit où nous avions l'habitude d'apercevoir sur les taches de moisissure des dragons et des brebis en compétition pour la vie, de grimper rapidement sur le lit pour le faire descendre. Dans un effort aussi vain qu'infructueux, lui, pleurant sans discontinuer sa douleur d'être passé de la douleur à la légèreté, sans croiser le péage de la normalité, et nous, essayant de tirer ce nuage pluvieux vers le sol, où nous pourrions l'attraper par son énorme taille pour le conduire peut-être dans le salon, et à l'aide d'une aiguille ou d'un clou, essayer de lui restituer la gloire méritée du plancher. La famille, peu à peu, fut appelée pour contribuer de son mieux à la résolution du problème. Mais elle était unanime pour souligner la singularité du cas entre ses mains. Même l'oncle Latrique, vétéran de la guerre coloniale, chargé de tuer des Noirs désobéissants et persuadé d'avoir déjà tout vu dans la vie, était resté bouche bée à regarder le plafond pendant que mon père, partiellement remis des aigreurs de son absence de poids, lui criait « Hé, Latrique, viens un peu là et ramène-moi en bas, car du plafond au cercueil, il n'y a qu'un pas. Et mon oncle, piqué à l'organe de l'orgueil, se mettait sur le lit et sautait jusqu'à atteindre parfois sa taille, sans pour autant réussir à le ramener parmi nous. Et mon père riait frénétiquement, au désespoir de ma mère qui s'éclipsait, triste comme la mort, hors de la chambre, avec un mouchoir en papier comprimant sa joue mouillée. En grimpant sur un escabeau, ils réussirent à lui attacher une ficelle à la taille, et ainsi à le traîner hors de la chambre. La bonne nouvelle, c'est que mon père, même passé 2 semaines de son involontaire ascension, ne gonflait plus. C'était ce ballon de fête foraine, rasant le plafond, que nous nous étions habitués à saluer en entrant dans le salon. Ma mère, au contraire, ne parvenait pas à intégrer l'idée que mon père ait renoncé aussi facilement à la gravité. Et elle passait des jours d'affilée à nous dire comment on pourrait sans difficulté, au moyen d'un balai couplé d'un couteau aiguisé, lui faire un petit trou duquel sortirait, comme il était entré, cet air, qui l'éloignait de nous et de la vie, comme si le ciel l'appelait, sans être capable de l'emporter. Ma mère, adoptant le mode pragmatique réservé aux femmes, un soir, nous envoya au lit plus tôt et elle déshabilla complètement mon père pour lui remettre uniquement un slip kangourou et une blouse verte qui lui arrivait aux côtes. Et l'ensemble, vu sous cet angle, en contre-plongée, faisait ressembler papa à un super-héros au format de poisson-ballon, bien qu'il fût compliqué d'imaginer la possibilité, même infime, que mon père sauvât le chat de la voisine, stupidement curieux et impréparé aux arbres et aux différentes façons de les monter et de les descendre. Mon frère, incapable de se retenir de sortir une blague imminente, attrapait la ficelle qui pendait du plafond quand les infos passaient. Et il tournait papa vers le mur, d'où il ne parvenait plus à regarder le journal, et il fallait le voir gigoter comme un possédé, à gueuler après Antonio en l'assurant des plus grosses corrections une fois qu'il se serait vidé et lui aurait mis la main dessus. Une fois à terre, et mon frère amusé, en cachette de ma mère, qui se débattait dans la cuisine avec quelques colonnes de fourmis qui faisaient des incursions dans le miel et les biscuits, faisait tourner et se retourner papa sur lui-même au bout de la ficelle, jusqu'à le faire devenir tout vert dans cette haute mer conditionnée, et mon père, maîtrisant difficilement le vomissement, le traitait de tous les noms, surtout s'il finissait vraiment par vomir. Une giclée de vin rouge, répandant sur les murs l'illusion que dans cette maison était entrée une paire de machettes entre les mains d'un psychopathe. La boisson qu'il ingérait, difficilement par une paille dont l'extrémité opposée à la bouche plongeait dans la brique de vin, dont le contenu disparaissait de façon rythmée. Quand il fallait que mon père fasse ses besoins, ma mère nous faisait sortir du salon, même quand passaient nos séries préférées. Et elle allait chercher un grand escabeau sur lequel elle se perchait. Nous avons réussi à tout voir, l'une des premières fois où, chassés du salon, nous avons résolu de nous venger en appliquant notre curiosité sur les trous de la serrure. Mais la scène vue m'a fait passer à moi et surtout à mon frère toute envie, quelle qu'elle soit, de transgresser à nouveau l'isolement conditionné. Et après l'avoir orienté du mieux possible pour chier ou pisser, elle lui passait des lingettes de bébé sur cette zone où tout cela trouve son origine. Et quand il nous était permis de nous retourner vers le salon, la première chose que nous sentions, c'était l'odeur de lavande, une odeur tellement forte et industrielle qu'elle se superposait à toutes les autres. Maman, un jour, soit parce que papa devait faire ses besoins, soit parce que tous les deux devaient parler seul à seul, nous rappela le chemin de la porte. Et mon frère et moi, contrariés de n'avoir rien de mieux à faire un samedi matin, sinon de regarder des dessins animés, et il fallait en profiter, parce que l'heure du déjeuner approchant, mon père se mettait à insister pour changer de chaîne, pour les infos, et si on faisait mine de ne pas l'entendre, ou si on ne lui accordait pas ouvertement d'attention, il se mettait à crier, et après avoir crié, il se mettait à nous insulter, et encore après ça, il se mettait à rire, et quand il s'apercevait que le journal en était déjà la moitié, il relâchait la vanne de la vessie, et le résultat, celui-là, est facile à imaginer. Et plus d'une fois, la question de la désobéissance filiale fut résolue ainsi. Sommes allés dans la chambre défaire les lits faits par ma mère, et nous n'avons arrêté de sauter dessus et de l'un à l'autre qu'au cri de mon père dans le salon, et nous sommes précipités vers la porte. Mais ma mère avait trouvé le moyen de la coincer de l'intérieur. Mon frère, plus jeune et plus audacieux, est allé chercher une chaise avec laquelle il a frappé violemment contre la porte. Tandis que je criais à ma mère de laisser mon père en paix, de ne pas lui faire de mal, et par-dessus les fracas de la chaise cognant la porte et mes cris de petite fille épouvantée, seuls les cris de mon père lancinant comme si on l'égorgeait, et mon frère et moi, à tour de rôle, éclations en pleurs désespérés, interrompus seulement quand il reprenait la chaise et quand je recommençais à crier. Avant qu'il n'aille demander de l'aide aux voisins du dessous, une baraque bodybuildée dont on attendrait des bras pas moins qu'une patate à la Samson, ma mère, après que mon père a beaucoup hurlé et que toute la maison s'est transformée tout bonnement en épicentre possible d'un documentaire sur la violence domestique, a ouvert finalement la porte. Et lorsque mon frère, déchargeant contre elle la frustration accumulée, a frappé inutilement la porte, a pris une claque cliniquement posée sur la joue, nous avons vu que ma mère était sérieusement imprégnée d'une mission, impliquant notre absence et la souffrance de papa, dont elle prenait congé en quittant le salon, avec un « demain on essayera encore une fois ». Ça doit pas être si dur. En entrant dans le salon, nous sommes tombés sur papa qui pleurait. Papa, un vase de guerre mille fois touché par la torpille de la pointe fine d'un cutter que ma mère avait utilisé pour y trouver ou dessiner la conduite par laquelle elle transformerait mon père ballon en une créature de nouveau engluée dans la terre, embrassant amoureusement le sol, dans une humidité de père, mais la seule chose qui sortait de mon père, par giclées, d'une pluie rouge toute fine, c'était le sang en ribambelle d'un groupe de lemmings, qui coulait aussi bien par la glissière du toboggan des veines qu'il débouchait sur l'inconnu infini d'un abîme ouvert au hasard. Et nous, une fois l'escabeau adossé contre lui, avons passé 2 heures à calfater sa carcasse trouée avec les 3 uniques rouleaux de papier hygiénique à une épaisseur trouvée dans les toilettes que mon frère apportait, soucieux d'éviter les gouttes de sang. Et quand nous avons terminé, mon père avait l'air d'avoir une barbe jusqu'au genou et de la taillé tous les jours avec une lame émoussée au point culminant d'une crise de Parkinson. Mon père nous a demandé, en tendant les bras autant que possible, de ne pas laisser ma mère réessayer d'ouvrir une valve dans son corps. Ce n'était pas de sa faute, s'il était comme ça, répétait-il, entre de longues crises de pleurs. Mon frère de courir dans la chambre et de rapporter 2 kawés pour nous abriter des larmes et de quelques rosées sanguines persistantes encore. Mon père, tout tremblant, essayant de sortir du salon en nageant la brasse dans l'atmosphère, oubliant par moments l'impossibilité d'avancer, ne serait-ce que d'un millimètre, agglutinant de ses gros bras ses troupeaux raréfiés de molécules, et mon frère et moi de le cajoler, de lui mettre sous le nez une grande chope de vin. Mon père, quittant lentement la natation simultanée pour se jeter sur la paille, et, entre des gorgées de vin et de bave, cessait de pleurer et en même temps de garder les yeux ouverts. Les jours suivants, le rituel que ma mère avait inauguré s'est répété. Vers l'heure du dîner, un peu avant, ma mère nous faisait sortir du salon pour s'occuper de sujets d'adultes, disait-elle, dont la charge malheureusement lui revenait, précisait-elle. Et comme un chirurgien ou un tortionnaire, nous ne saurons jamais exactement ce qui de fait suscitait cette motivation. Elle dépliait sur la table du salon une serviette sur laquelle reluisait une paire de cutters, de grandes aiguilles à tricoter et un assortiment de choses pointues, grâce auxquelles elle était confiante reviendrait dans cette maison au moins la normalité gravitique. Mon frère et moi restions de l'autre côté de la porte à écouter ma mère dire à mon père de se calmer, parce qu'il la remercierait, répétait-elle, quand enfin elle découvrirait la valve cachée de ce gigantesque matelas de plage suspendu d'où tomberait glorieusement sec et mûr mon père, pour être accueilli dans l'ancrage d'une grande étreinte collective et de ne plus jamais s'évader. Une fois cela terminé, ma mère se dirigeait, silencieuse et vaincue, vers la cuisine. Elle passait les instruments à l'eau et à la javel dans l'évier, faisait couler de petits éclairs de sang dans le raz-de-marée d'eau chaude qui rendait à ses mains la chaleur que la mauvaise circulation se chargeait de faire disparaître. Un jour, nous avons trouvé ma mère accroupie dans le salon, dès le matin, en train de tâter le sol et de bouger les meubles de place comme si elle avait perdu une boucle d'oreille ou un briquet. Et quand nous lui avons demandé si elle avait besoin d'aide, nous avons vu, dans le regard qu'elle nous a lancé, les pleurs et la rage irrépressible de qui ne parvient pas, par les mots, à transmettre l'abîme grandissant dans la poitrine. Et mon frère et moi, silencieux et immobiles, n'avons pu ébaucher une réaction timide et inconséquente que lorsque maman s'est finalement assise par terre en pleurant sans arrêt d'un désespoir qui nous effleurait, ne laissant qu'un oripeau d'empathie, faute de sens et de chair. Et mon frère et moi, dotés d'une façon aussi naïve que désordonnée de faire le silence et la paix, avons embrassé ma mère, qui par ses pleurs incessants avait l'air d'un lave-linge en plein essorage, cambrant de haut en bas ses épaules fourbues de fatigue. Et nous sommes restés là tous les trois, passant de l'occupation de consoler ma mère à celle de redoubler ses pleurs avec les nôtres. Quand nous nous sommes calmés suffisamment, que mon frère ait l'excellente idée de nous faire parvenir un demi-rouleau de papier toilette, aussitôt divisé en trois, impatient d'expulser la morve qui prolifère naturellement par contagion avec les pleurs, ma mère nous a serrés contre elle et, absorbant encore les larmes qui sur son visage raviné menaient à la bouche, elle nous a dit « Aidez-moi, les enfants, il est sûrement par là, caché, peut-être sous le buffet, là, ou alors derrière les vases. » Et nous, étourdis tant par la forme que par le contenu des propos de ma mère, nous continuions de penser que nous cherchions une chose inanimée, une chose sans volonté, qui arrive par caprice des dieux, sans l'envie de stopper sa chute, qui reste en attente d'un cimetière, sous un tapis ou dans un vase. Et ce n'est qu'en me tournant vers le plafond, en quête de mon père, dont j'ai tout de suite remarqué l'absence, que j'ai compris à qui ma mère faisait allusion, en nous confiant la mission solitaire de retourner le dossier du fauteuil ou de nous faire passer au peigne fin les longs poils du tapis du salon. De lui ne restait plus que le slip géant de la taille d'une tente et la blouse verte que ma mère demandait à mon frère de sentir comme si un museau de chien de chasse avait poussé sur le gosse. Et après nous avoir montré tant et tant de fois les vêtements de mon père qu'elle gardait dans un tiroir du salon pour exhiber comme une preuve à tout Candide qui aurait la malheureuse idée de nous rendre visite, elle mettait la tête sous la table du salon, appelant mon père avec un « pst, pst » et un dé à coudre de vin. « Il est tout petit maintenant », nous assurait-elle. « Il a perdu tout son volume avec les entailles que je lui ai faites. Et si ça se trouve, » et elle pleurait toujours à chaque fois qu'elle parvenait à ce point de l'explication, « elle aurait toujours dû dormir dans le salon », disait-elle, « afin qu'elle, quand il avait commencé à se vider, ait pu le boucher à temps pour récupérer au moins 1,5 mètre d'homme. » On s'est habitué à ça. On s'habitue à tout. Ma mère, en reniflant les coins de la maison, comme si elle cherchait la mythe la plus infime, bouchant les portes et les fenêtres et nous grondant parce qu'on voulait convoquer à l'intérieur le confort d'une brise, parlant avec les invités dans le salon et toujours à regarder par terre au cas où ils écraseraient mon père en bougeant, un exercice aussi absolument anxiogène qu'infructueux, et elle finissait toujours par les chasser avec l'excuse qu'elle avait oublié quelque chose sur le feu. Et on a grandi comme ça, dans ce labyrinthe moisi de fautes et de saudades. Ma mère n'est jamais parvenue à retrouver mon père dans les interstices des draps ou dans un trou du plancher. Et je suis sûre que mon père n'était déjà plus là quand ma mère s'était mise à le chercher. Parce que mon frère l'avait libéré durant la nuit, pendant que nous dormions, peut-être avec l'incitation d'une brique de vin attachée par une ficelle à la taille et la promesse que dehors, il n'y a pas de plafond, rien que du ciel. Eh bien, voilà. N'est-ce pas que cette amusante histoire nous ferait-elle réfléchir? Pauvre, pas du tout, je crois bien. Et j'ai trouvé une musique de Nick Caveo, The Bad Skeleton Tree. Seeds. Je pense que j'ai pas trop bien écrit, j'espère que j'ai bien lu. Et le titre de la chanson, c'est Red Right Hand. À tout bientôt sur Radio Gémozo. Destroy. He'll reach deep into the holy.